L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou internationale diffusée directement depuis Jukapo, capitale du Pokajou. Je suis Mélissa Soares-Alval, ravie d'être de nouveau avec vous pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la dernière édition du prix La Tombe de Fil de Fer. Il s'agit du prix scientifique le plus important de notre île, qui distingue les chercheurs les plus innovants. La particularité de la Tombe de Fil de Fer est-ce qu'il est le seul prix accordé au développement technique, pas forcément avancé dans le temps. C'est un concept un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire que même si les ressources utilisées par les nominés peuvent être considérées comme pas nouveaux, bon, l'important pour ce prix est la capacité de développement d'être utilisée vraiment par les Pokajoutiens et d'abord de ne pas être cher. Donc, c'est pas étonnant que ce prix soit parmi les plus originaux au monde. Il n'est pas étonnant de trouver des technologies basées sur la force animale, le charbon, le bois, l'huile, etc. La grande gagnante de cette année a été Madame Florencia Kapp et son équipe qui travaillent depuis les années 90 pour développer une nouvelle façon d'utiliser la traction animale sans jamais blesser ou faire du mal aux animaux, tout au contraire, en les rendant très heureux et très utiles. Ce s'appelle Wires, dédié aux fils de fer qui font cette sculpture de la tombe de fils de fer. C'est Owini Sigomaband. Oh. On est de retour à la radio Pocageau internationale dans cette émission consacrée à la dernière édition du prix La Tombe de Fil de Fer, le prix scientifique du Pocageau. On parlait tout à l'heure de Madame Florencia Cap et son équipe, les gagnants de cette édition. En fait, ils utilisent normalement des animaux en voie d'extinction pour leurs études et ils essaient de donner une nouvelle utilité aux animaux parce que, selon eux, les humains prennent soin seulement des espèces vivantes qui leur servent à des buts pratiques et réels. C'est peut-être un peu cruel, mais rien plus loin de la vérité. Face à cette réalité effrayante, la docteure Florencia Cap, docteur chercheur de l'Institut Polytechnique de Pocageau et amoureuse des animaux et de la biologie autant que de la mécanique, a créé une équipe multidisciplinaire capable de regrouper les ingénieurs les plus talentueux, ceux qui connaissent le mieux les besoins réels de l'industrie, avec les zoologues qui combinent de la meilleure façon l'amour pour les animaux et la connaissance des caractéristiques de chaque espèce. Parmi les inventions que cette équipe avait déjà brevetées, il se trouvait les petites veilleuses de luisants. C'est un article conçu pour les enfants les plus petits. Il s'agissait des luisants entraînés pour s'allumer au moment de percevoir les vibrations créées par un enfant qui se réveille au milieu de la nuit. Maintenant, il est possible de trouver des veilleuses vivantes partout à Pocageau. Et ces articles ont réussi à sauver l'usine des veilleuses Gomez, une institution dans la fabrication pocajoutienne qui, à peine ça fait 5 ans, était face à la faillite financière et qui a réussi à ressortir de ses cendres grâce aux inventions de Madame Florencia Cap. Voici un morceau dédié à ces animaux dont la docteure Cap est tellement amoureuse. Ce s'appelle Animal Tracks de Mountain Man. We'll drink horse by the beer and sit on your back stairs in a whisper in your ear in the summer air, in the summer. International. Ce programme vous est présenté grâce à la bonté du Maharaja du Pocageau. On est de retour à la radio Pocageau internationale. On parle de Madame Florencia Cap et son équipe multidisciplinaire de zoologues et ingénieurs qui, pendant des années, ont créé des articles adaptés aux besoins pratiques des pocageoutiens en utilisant des animaux. Peut-être pour ceux qui nous entendent d'ailleurs, ce n'est pas très innovant, mais à Pocageau, l'utilisation des animaux est l'un des objectifs du nouveau ministère de la Nature. Cette année, le prix a été concédé, comme on disait tout à l'heure, à cette équipe de l'Institut Polytechnique de Tlipacapa pour leur tricycle impulsé par des chinchillas entraînés. Ces petits animaux à peau très doux sont entraînés tout en utilisant leur extraordinaire intelligence. Ils connaissent donc les habitudes de l'utilisateur de ce tricycle et elles sont capables de mémoriser une route, comprendre les limites de vitesse et la présence des piétons. Ces tricycles donc sont excellents pour les personnes handicapées. D'ailleurs, les chinchillas, utilisés et sacrifiés pendant des années pour leur peau, sont des excellents animaux de compagnie et aiment bien courir, donc son travail dans les roues de ce tricycle est bon pour leur santé et bien sûr aide à qu'elles ne deviennent pas extinctes. Pour finir, un morceau qui revisite le sujet atomique. Ce s'appelle Atomic Phone, c'est The Spirit of Memphis Quartet. Merci de nous avoir accompagnés. On va justement essayer de vous montrer le modèle de tricycle impulsé à Chinchillas bientôt. On vous tiendra au courant. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. À bientôt. God have given us a great new power. Born to use for the good of all mankind. Some people want to use to destroy everything. Well, God didn't mean it like that. He wants to use for the good of all mankind. On the atomic telephone, well, then no man knows its power. Oh, only God alone, well, then it can cure the sick or destroy the evil with one sweep of power, known by God alone. Oh, God is not too busy to know the sins of man. You may hear from heaven, you may feel his hand. If you are in trouble and afraid of all mankind, hey, pick up the atomic telephone and get him on the line. Hey, I have talked to Jesus on the atomic telephone. Well, then no man knows his power. Oh, only God alone. Oh, well, then it can cure the sick or destroy the evil with one sweep of power, known by God alone. Oh, for this call to heaven, there will be no choice. Just like old man Noah, who prayed from an eye, you can ask your God just what to do. He'll lead you from the wilderness and out of the dark. Oh, yeah. Then I have talked to Jesus on the atomic telephone. Ooh, yeah. Well, then no man knows his power. Oh, only God alone. Oh, well, then it can cure the sick or destroy the evil with one sweep of power, known by God alone. Yeah. Then I have talked to Jesus on the atomic telephone. Well, then no man knows his power. Oh, only God alone. Oh, Lord, then it can cure the sick or destroy the evil with one sweep of power, known by God alone. Radio Pokajou International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !